millénaire, on vit dans un monde concurrentiel. Ça m'obsède, ça en devient une question existentielle. Pourquoi tant d'inégalités, d'illégalités chez les puissants? Pas d'autres possibilités pour les malmenés que d'être méfiants. Ça me travaille, ces canailles de ricains. On fait le taf, le capitalisme flanqué aux pauvres, une énorme baffe. Le fossé se creuse davantage à mesure que les années passent. Moitié du monde galère, il serait temps qu'on s'en passe. Tous ensemble boycottons, portons du doigt notre gangrène. Multinationales, lobby et banques qui nous engrènent. Trop de business, trop de bénéf, à qui de manière malsaine. Luttons même démunis face au combat qu'ils assènent. Des guerres créées toutes pièces pour l'appât du gain. La vue de quelques millions, on oublie d'être humain. L'homme est un assassin, foncièrement mauvais. Impuissance demande ce qui pourra nous sauver. Prendre conscience qu'on est yambe, mais sans faire les moutons. Même s'il est bon de lutter pour que nos droits demeurent, on n'a pas le droit de s'apitoyer quand le reste du monde se meurt. Même un smicard chez nous, vivant en HLM, devrait savoir contenir ses angoisses et ça. Et pas de famine, pas de guerre, ici c'est la belle vie. Même si c'est pas tout rose, bon nombre de gens nous envient. J'entends des sombres merdes se plaindre pour des broutilles. Jour où la chance fut distribuée, la France fut bien lotie. C'est à toi que je m'adresse, le facho réactionnaire, terroriste. Pour réfugier toutes les différences et guerres, l'Occident laisse des champs de ruines partout dans le monde, colonisant, pillant l'Afrique ainsi que le tiers-monde. Mais fermer nos frontières te semble légitime, laisse crever sans vergogne ces malheureuses victimes. Et aux milliards, les ébourgondes qui vivent sans rien entre nous, il y a trop d'écarts de développement, de richesse, mais aussi de souffrance. Même si je chie sur le drapeau, je suis heureux d'être né en France. Tu me verras pas souvent mettre en rime ma tristesse, mon impuissance devant tant de haine et si peu de tendresse. J'appelle tous mes camarades à prendre un peu de recul, n'achetez pas aux grandes firmes, car c'est eux qui nous acculent, qui provoquent l'injustice, bien aidés par les élites. FMI, OMC, pays membres du G8, pour qu'il y ait des riches, il faut des pauvres, des lésés, des victimes. Pensez un peu aux opprimés quand vous lècherez les vitrines. L'opulence est contagieuse, elle nous empoisonne tous. Voir le pouvoir de l'argent sur le cœur des gens me fout la frousse. Y'a de l'espoir, même s'il reste bien des mots à penser. Pour assouvir ce désir, faudra plus que des mots bien pensés.